Mourad parut fort gêné alors qu'il était mené à Treblinka. Il avait été accusé d'avoir désossé une personne âgée avec un opinel, car elle était raciste selon lui. C'est une erreur judiciaire. Avant de se raviser et de soutenir que le couteau avait glissé et que c'était un accident. Son avocat, Alain Jakubowicz, lui conseilla alors de plaider l'irresponsabilité pénale. Ceci n'était pas rentré dans l'oreille d'un sourd. J'y plaide l'irresponsabilité pénale. Et le juge d'instruction libéra le suspect sur le champ. Ce n'était cependant que le début du calvaire pour le malchanceux Mourad, qui se retrouva 3 jours plus tard accusé d'avoir roulé 15 fois consécutives sur un piéton qui lui avait fait un doigt d'honneur. La victime présumée, narguant le jeune de banlieue du haut du privilège de sa chaise roulante, fut confondue par le frère de celui-ci, unique témoin, passager au moment des faits, affirmant que son frère était à la piscine au moment des faits. En outre, Nassera assura par ailleurs que son fils était un ange tombé du ciel et que jamais il n'avait fait de mal à une mouche. Toisant le tétraplégique avec dédain, le juge d'instruction libéra le suspect sur le champ. Hélas, le sort semblait s'acharner sur le malheureux melon, car 5 jours plus tard, il se retrouva accusé d'avoir participé aux attentats du 11 septembre. Voilà un merdier duquel il aurait été bien en peine de s'extraire si un témoin inattendu n'était pas intervenu subitement en entrant au tribunal comme on entre à la CAF. Ce dernier fit justement remarquer que Mourad était peut-être possédé, comme dans le film Poltergeist. Absolument convaincu, le juge d'instruction libéra le suspect sur le champ et l'orienta vers un médium qui guérit Mourad en 10 minutes, lors d'une séance de désenvoûtement avec des tables et des chaises qui volent, etc. Larme à l'œil, le médium souhaita une bonne continuation à Mourad et ne retrouva pas son portefeuille en revenant dans son bureau.